Gustavo Adolfo Bécquer, Poésie détachée. Secousse étrange qui agite les pensées, comme la tempête pousse les vagues contre les vagues. Murmure qui se lève dans l'âme et va grandissant, comme les sourds grondements du volcan annoncent qu'il va éclater. Silhouettes informes d'êtres impossibles, paysages qui apparaissent comme à travers un voile. Couleurs qui, fondues, imitent dans l'air les atomes de l'iris nageant dans la lumière. Idées sans parole, paroles privées de sens, cadences qui n'ont ni rythme ni mesure. Réminiscences et désirs de choses qui n'existent pas, accès de joie, envie de pleurer, activité nerveuse qui ne sait à quoi s'employer, coursier rapide que le frein ne guide pas, folie que l'esprit exalte et enflamme, ivresse divine du génie créateur, telle est l'inspiration. Voix géante dont le chaos se coordonne dans le cerveau et qui fait luire la lumière au milieu des ténèbres. Resplendissante bride d'or dont la puissance réfrène l'exaltation mentale du coursier rapide. Fil lumineux qui attache en faisceau les pensées, soleil qui traverse les nuages et atteint au zénith, intelligente main qui parvient à réunir en un collier de perles les mots indociles, rythme harmonieux qui enferme dans la règle, avec cadence et mesure, les notes fugitives. Ciseaux qui mord le bloc en modelant la statue et qui ajoute la beauté plastique à la beauté idéale. Atmosphère où tournent avec ordre les idées, comme les atomes réunis par une attraction mystérieuse. Torrent dans les eaux duquel la fièvre éteint sa soif, oasis qui communique sa vigueur à l'esprit. Telle est notre raison. Avec les deux toujours en lutte, et des deux vainqueurs, le génie peut seul les attacher au même joug. Ne dis pas que la lyre est muette, pour avoir épuisé son trésor et que les sujets lui manquent. Il peut ne pas exister de poète, mais toujours il y aura de la poésie. Tant que les ondes embrasées palpiteront au baiser de la lumière, tant que le soleil vêtira de feu et d'or les nuées capricieuses, tant que l'air portera dans son sein des parfums et des harmonies, tant que le monde jouira du printemps, il y aura de la poésie. Tant que la science ne parviendra pas à découvrir les sources de la vie, et que, dans la mer ou dans le ciel, il restera un abîme qui résiste au calcul, tant que l'humanité, dans sa marche en avant, ne saura vers quel but elle avance, tant qu'il restera un mystère pour l'homme, il y aura de la poésie. Tant que l'on sentira de la joie dans l'âme, sans que les lèvres sourient, tant qu'on pleurera sans que les larmes viennent voiler les pupilles, tant que le cœur et la tête continueront à batailler, tant qu'il restera des espérances et des souvenirs, il y aura de la poésie. Tant qu'il y aura des yeux reflétant les yeux qui les regardent, tant qu'une lèvre répondra en soupirant à la lèvre qui soupire, tant que deux âmes pourront se confondre dans un baiser, tant qu'il existera une femme belle, il y aura de la poésie. On ferma ses yeux qui restaient encore ouverts. On couvrit son visage d'un voile blanc, et les uns sanglotant, les autres silencieux, tous s'éloignèrent de la triste alcôve. La lumière d'une veilleuse, placée sur le sol, projetait contre le mur l'ombre du lit, et dans cette ombre, on voyait par moments se dessiner la forme rigide du corps. Le jour allait paraître, et aux premières clartés de l'aube, s'éveillaient les mille bruits du village. Devant le contraste de la vie et des mystères, de la lumière et des ténèbres, je songeais un instant, « Mon Dieu, que les morts restent seuls !» Des hommes la portèrent sur leurs épaules de la maison au temple, et déposèrent le cercueil dans une chapelle. Là, on entoura sa pâle dépouille de cierges jaunes et de draps noirs. Les cloches cessèrent de sonner pour les trépassés. Une vieille termina ses dernières prières et traversa la vaste nef. Les portes gémirent et l'enceinte sacrée resta déserte. On entendait le battement régulier de l'horloge et le crépitement de quelques cierges. Tout restait si lugubre et si triste, si sombre et si immobile, que je pensais un instant, « Mon Dieu, que les morts restent seuls !» La langue de fer de la cloche lui donna en voltigeant de plaintifs adieux. Amis et parents, dans leurs habits de deuil, se rangèrent en file et formèrent le cortège. La pioche ouvrit dans un coin la tombe, ce dernier asile étroit et sombre. Elle y fut couchée, bientôt enfermée, et, après un salut, le deuil se retira. Le fossoyeur, la pioche sur l'épaule, chantait entre ses dents et disparut dans le lointain. La nuit tombait, le silence régnait. Perdu au milieu des ténèbres, je méditais un instant. Mon Dieu, que les morts restent seuls. Durant les longues nuits de l'hiver glacial, quand le vent fait craquer les poutres et qu'une forte averse frappe les vitres, tout seul, je me souviens de la pauvre enfant. Sur elle tombe la pluie avec un bruit monotone. Sur elle fait rage le vent du nord. Dans le mur humide du sépulcre où elle est étendue, le froid glace, peut-être, ses os. La poussière redevient-elle poussière? L'âme s'envole-t-elle au ciel? Tout est-il matière, corruption et fange? Je ne sais, mais il est une impression que je ne puis m'expliquer et qui me cause la même répugnance et la même douleur, c'est de laisser les morts si tristes et si seuls. Note du traducteur. Gustave Becker, en écrivant ses vers, a oublié un instant qu'il était catholique, et qu'un catholique peut toujours rester, par la prière, en rapport avec l'âme des êtres chéris dont il se trouve séparé sur la terre. Fin de la note. Je suis ardente, je suis brune, je suis le symbole de la passion. Mon âme est pleine d'anxiété et de joie. Est-ce moi que tu cherches? Ce n'est pas toi, non. Mon front est pâle, ma chevelure d'or. Je peux te donner un plaisir sans fin. Je recèle un trésor de tendresse. Est-ce moi que tu appelles? Non, ce n'est pas toi. Je suis un rêve, une impossibilité, un vain fantôme de brouillard et de lumière. Je suis immatériel, je suis intangible, je ne peux t'aimer. Oh, viens, viens, toi. Une larme allait perler dans ses yeux, et un mot de pardon me venait sur les lèvres. L'orgueil parla, et la larme se sécha, et le mot expira sur mes lèvres. Je m'éloignai par un chemin, elle par un autre. Mais en pensant à notre mutuel amour, je dis encore « Pourquoi me suis-je tue ce jour-là ? » Et elle dira « Pourquoi n'ai-je pas pleuré, moi ?» Vague géante qui vous brisait, en gémissant, sur des plages désertes et lointaines, enveloppée dans un suaire d'écume, emportez-moi avec vous. Rafale de l'ouragan, qui arrachait les feuilles flétries des grands bois, entraînée dans l'aveugle tourbillon, emportez-moi avec vous. Nuée de tempête, brisée par la foudre, dont le feu orne les bords déchiquetés, enlevée au milieu du brouillard obscur, emportez-moi avec vous. Emportez-moi par pitié, là où le vertige m'arrachera la raison et la mémoire. Par pitié, j'ai peur de rester seule avec ma douleur. Quand on me le conta, je sentis le froid d'une lame d'acier dans les entrailles. Je m'appuyai contre le mur, et un instant je n'eus plus conscience du lieu où j'étais. La nuit tomba sur mon esprit, mon âme étouffa de colère et de pitié, et je compris alors pourquoi on pleure, et je compris alors pourquoi on tue. La nuée de douleur passa, péniblement. Je pus balbutier quelques mots. Qui me donna la vie? Un ami fidèle. Quel service il me rendait, je le remerciai. Les soupirs sont de l'air et vont à l'air. Les larmes sont de l'eau et vont à la mer. Dis-moi, femme, quand l'amour s'envole, sais-tu où il va? À quoi bon me le dire? Je le sais, elle est volage. Haute et vaine et capricieuse, avant que le sentiment agite son âme, l'eau jaillira du stérile rocher. Son cœur, je le sais, est un nid de serpent. Nulle fibre n'y répond à l'amour. C'est une statue inanimée, mais elle est si belle. La nuit vint et je ne trouvai pas un asile. J'eus soif, je bus mes larmes. J'eus faim, je fermai mes yeux gonflés, je les fermai pour mourir. J'étais dans un désert, bien qu'à mes oreilles vint encore le sourd bourdonnement de la foule. J'étais orphelin et pauvre, le monde était désert pour moi. À la lueur d'un éclair, nous naissons. Son éclat dure encore quand nous mourrons. La vie est si courte. La gloire et l'amour après lesquels nous courons sont l'ombre du rêve que nous poursuivons, le réveil et la mort. Ma vie est une langue aride. La fleur que je touche ses feuilles, le long de mon fatal chemin. Quelqu'un sème le mal pour que je le recueille. Qu'il est beau de voir le jour se lever avec sa couronne de feu, de voir à son baiser ardent briller les vagues et s'enflammer l'air. Qu'il est beau après la pluie, par une soirée bleuâtre du triste automne, de respirer jusqu'à satiété le parfum des fleurs humides. Qu'il est beau, quand la blanche neige tombe silencieusement en flocons, de voir s'agiter les rouges langues des flammes inquiètes. Qu'il est beau, quand on a sommeil, de bien dormir, de ronfler comme un chantre, de manger, d'engraisser. Quel malheur que cela ne suffise pas. Je ne dormais pas. J'errai dans ce limbe au milieu duquel les objets changent de forme, espace mystérieux qui sépare la veille du sommeil. Les idées qui, en ronde silencieuse, voltigeaient autour de mon cerveau, donnèrent peu à peu à leur danse une mesure plus lente. Mes paupières voilaient le reflet de la lumière qui entre dans l'âme par les yeux. Mais une autre lumière, celle du monde des visions, illumina mon être. En ce moment, résonna à mes oreilles une rumeur vague, confuse, semblable à celle que les fidèles produisent dans le temple en terminant leur prière par un amen. Et j'entendis comme une voix triste et faible qui, au loin, m'appela par mon nom, et je sentis une odeur de cierge qui s'éteigne, d'humidité et d'encens. La nuit se fit, et dans les bras de l'oubli, je tombai, comme une pierre, dans son sein profond. Je dormis et, en m'éveillant, je m'écriai, quelqu'un que je chérissais est mort.